بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par le jour de la résurrection. Non, je jure par l'âme, prompte à se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ses ossements? Mais si, en vérité, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme veut plutôt continuer à vivre en libertin. Il demande, à quand le jour de la résurrection? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. Lorsque la vue sera éblouie, quand la lune s'éclipsera, que le soleil et la lune seront réunis, ce jour-là, l'homme s'écriera, où fuir? Eh bien non, point de refuge. Ce jour-là, c'est vers ton Seigneur que tout retournera. Ce jour-là, on fera à l'homme le récit de toutes ses œuvres, du début jusqu'à la fin. Bien plus, l'homme envers lui-même sera clairvoyance, même s'il présente ses excuses. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. À nous de le rassembler et de te le faire réciter. Quand donc nous te le récitons, suis-en la récitation. Et c'est à nous qu'il incombera ensuite de te l'expliquer. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Mais vous aimez la vie éphémère et ignorez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui contempleront leur Seigneur. Il y aura des visages assombris à la pensée de la calamité imminente s'apprêtant à s'abattre sur eux. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Mais non. Quand l'âme arrive au clavicule et qu'on dit « Qui est exorciseur ?» et que l'agonisant sait très bien que c'est l'heure du départ et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Il n'a ni cru ni accompli ses prières. Au contraire, il a nié et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers les siens, marchant fièrement. Malheur à toi, malheur, et encore malheur à toi, malheur. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. L'homme s'imagine-t-il qu'on le laissera sans devoir à accomplir? N'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée, et ensuite une goutte coagulée, puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement. Puis, Dieu en a fait les deux sexes, le mâle et la femelle. Celui qui a fait cela, n'est-il pas capable de faire revivre les morts?